Désormais convaincu que l'amour n'est pas la raison de la folie de son neveu Hamlet, le roi Claudius prévoit de l'exiler en Angleterre. Une fois donné de dernières recommandations au comédien, Hamlet demande à son ami Horatio de scruter les réactions de Claudius lorsque les comédiens joueront la pièce, incluant les modifications écrites par lui. Les trompettes sonnent. La pantomime commence. Un roi et une reine entrent. L'air fort amoureux. Ils se tiennent embrassés. La reine s'agenouille et fait au roi force geste de protestation. Il la relève et penche sa tête sur son cou, puis s'étend sur un banc couvert de fleurs. Le voyant endormi, elle le quitte. Alors, survient un personnage qui lui ôte sa couronne, la baise, verse du poison dans l'oreille du roi et sort. La reine revient, trouve le roi mort et donne tous les signes du désespoir. L'empoisonneur, suivi de deux ou trois personnages muets, arrive de nouveau et semble se lamenter avec elle. Le cadavre est emporté. L'empoisonneur fait sa cour à la reine en lui offrant des cadeaux. Elle semble quelque temps avoir de la répugnance et du mauvais vouloir, mais elle finit par agréer son amour. Ils sortent.